إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, c'est un plaisir de se retrouver en cette soirée afin de commencer ensemble l'étude d'une nouvelle épître écrite par l'imam Mohammed ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah ta'ala et intitulée Fadlul Islam, que l'on a traduit par Le mérite de l'islam. Et ce titre aurait également pu être traduit par « La supériorité de l'islam » ou « La prééminence de l'islam ». Et ce car l'auteur va à travers ce livre, et notamment dans le premier chapitre, nous montrer la supériorité et la prééminence de l'islam sur l'ensemble des autres religions. Et il a écrit cet ouvrage de la même manière que son célèbre livre, le livre de l'unicité, « Kitab al-Tawhid ». C'est-à-dire que, comme vous allez le voir, il mentionne ce qu'il veut démontrer à travers le titre du chapitre, puis ensuite, il mentionne des versets du livre d'Allah, des hadiths du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, puis des paroles des compagnons ou des pieux prédécesseurs, radiyallahu ta'ala anhum wa rahimahumullah. Et telle est la manière d'écrire des savants du hadith, comme on peut l'observer par exemple dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Et c'est de cette manière que cet ouvrage a été écrit. Il a donc commencé son livre en disant « Bismillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in » Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et c'est de lui dont nous implorons l'aide. Chapitre sur le mérite de l'islam. Donc dans ce chapitre, l'auteur, rahimahullah ta'ala, va nous mentionner quelques versets, quelques hadiths et quelques athar au sujet du mérite et de la supériorité de cette noble religion. Le premier verset qu'il a mentionné est une partie du verset 3 de Surat al-Ma'idah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'mati, wa raditu lakum l'islam adina. » Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Et accomplis sur vous mon bienfait, et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Ce verset est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il stationnait à Arafah, durant le pèlerinage d'adieu. Et il fait partie des derniers versets qui ont été révélés au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En effet, après ce pèlerinage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vécu longtemps, mais il est mort quelque peu après être rentré à Médine. On voit donc à travers ce verset que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas mort sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'ait complété la religion. En effet, il dit dans ce verset « Al-yawma akmaltu lakum dinakum » « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, je l'ai complété, je l'ai parfait. » Donc ce verset, il nous montre le mérite et la supériorité de l'islam. Car Allah subhanahu wa ta'ala la décrit comme étant une religion complète. De plus, cette religion est complète, et celui qui l'a rendue complète n'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers. Et ceci est un des autres mérites de cette religion. Également, ce verset nous démontre le mérite et la supériorité de l'islam, car c'est la religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréée pour nous. Il dit « Wa raditu lakum l'islam adina » et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Ceci est donc une preuve claire et évidente du mérite de cette religion. Et ce verset est une réfutation des innovateurs qui instaurent en religion des nouvelles choses qui n'en font pas partie. Car ce verset nous prouve que toute chose nouvelle en religion est rejetée. Car Allah subhanahu wa ta'ala a complété la religion. Donc tout ce qui est nouveau en religion et qui n'a aucune origine dans le Coran et la Sunna, cela est rejeté, comme le démontre également la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le célèbre hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala D'après Aïcha radiallahu ta'ala anha qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui instaure dans notre ordre une chose qui n'en fait pas partie, alors celle-ci sera rejetée. La religion d'Allah subhanahu wa ta'ala est une religion complète. La religion de l'islam a été parachevée et complétée par Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a donc pas besoin d'y ajouter quoi que ce soit. Et ce verset est également une réfutation et une réponse à ceux qui dénigrent l'islam et qui prétendent que c'est une religion qui ne conviendrait plus à notre époque. On entend beaucoup de gens prétendre cela. Dire que l'islam est une religion arriérée. Dire que les textes de l'islam, les textes du Coran et de la Sunna ne conviennent plus à notre époque. Ou autre parole semblable, wal'iyadu billah. Allah subhanahu wa ta'ala dit clairement dans ce verset qu'il a parachevé pour nous cette religion, qu'il l'a complétée, qu'il a accompli sur nous son bienfait. Ceci est donc une preuve claire que l'islam est une religion qui convient à toute époque et en tout lieu. Il se peut que certaines règles de l'islam ou certains principes de l'islam ne soient pas compris par certaines personnes. Mais ce qui est remis en question, ce n'est pas la religion de l'islam, mais c'est le manque de compréhension de ces personnes. Et ça, c'est une chose très importante à souligner, car notre religion est complète. C'est une religion qui comprend l'ensemble des bienfaits et des avantages pour les serviteurs, et ce, jusqu'au jour de la résurrection. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, « Wa atmamtu alaykum ni'amati » et j'ai accompli sur vous mon bienfait. Quel est ce bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accompli sur nous? Ce bienfait, c'est cette religion, la religion de l'islam, qui est le plus grand des bienfaits dont Allah subhanahu wa ta'ala a comblé l'humanité. Tu ne jouis pas d'un bienfait plus grand que du fait d'être musulman. Si tous les bienfaits de ce bas monde t'étaient accordés, mais que tu étais privé du bienfait de l'islam, alors ceci ne te serait d'aucun profit. Et inversement, si tu étais privé de tous les bienfaits de ce bas monde, mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde le bienfait de l'islam, alors tu obtiendras la réussite, incha'Allah ta'ala. Donc l'islam, c'est le plus grand des bienfaits dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés. Celui qui accepte ce bienfait en tire profit, il sera parmi les bienheureux. Et celui qui le refuse, qui rejette ce bienfait, qui ne veut pas en tirer profit, alors, en réalité, il ne se nuit qu'à lui-même, car c'est lui qui a rejeté ce bienfait. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la suite de ce verset, « Wa raditu lakumu l'islam adina » et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Allah subhanahu wa ta'ala agrée pour nous l'islam comme religion. L'islam qui est la religion dont il parle au début du verset et qu'il dit qu'il l'a complété, qu'il l'a parachevé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a complété cette religion et il l'a agréé pour ses serviteurs. Et il n'agrée aucune autre religion que l'islam. Comme il le dit subhanahu wa ta'ala au verset 19 de Surat Ali Imran, Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. En vérité, la religion auprès d'Allah est l'islam. Toutes les autres religions après la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce sont des religions fausses qui ne sont pas agréées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit subhanahu wa ta'ala au verset 85 de Surat Ali Imran, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et celui qui cherche une religion autre que l'islam, alors ceci ne sera pas accepté de lui, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Ceux qui délaissent l'islam, qui cherchent une religion autre que l'islam, dans l'au-delà, ils seront parmi les perdants. Même s'ils pensent être heureux ici-bas, même s'ils sont comblés de bienfaits mondains ici-bas, ils seront dans l'au-delà parmi les perdants. Car la seule religion agréée d'Allah et la seule religion qui permet d'atteindre le bonheur ici-bas et dans l'au-delà, c'est la religion de l'islam. Et il n'y a aucune autre religion acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala après l'envoi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné un deuxième verset, qui est le verset 104 de Surat Yunus, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍ مِّنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ » dit « Ô vous les gens, si vous êtes en doute sur ma religion, Moi, je n'adore pas ce que vous adorez en dehors d'Allah, mais j'adore Allah qui est celui qui vous fera mourir. Donc le premier verset que l'on a vu, il s'adressait aux croyants. Allah subhanahu wa ta'ala leur fait savoir qu'il a parachevé pour eux leur religion. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à son messager sallallahu alayhi wa sallam de dire aux gens, c'est-à-dire toute l'humanité, et notamment les polythéistes, que s'ils doutent de sa religion, c'est-à-dire de la religion de l'islam, alors qu'ils sachent que la religion de l'islam, elle ne consiste seulement qu'à adorer Allah subhanahu wa ta'ala et à renier l'adoration de tout autre que lui. Moi, je n'adore point ce que vous adorez en dehors d'Allah, mais j'adore Allah qui est celui qui vous fera mourir. Telle est la religion de l'islam, qui est la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'adoration d'Allah et le délaissement de l'adoration de tout autre que lui. Et ce verset nous montre le mérite de l'islam, car c'est une religion où celui qu'on adore est unique, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers. En effet, les âmes ont été créées avec un besoin de se soumettre et de vénérer un être adoré. Et dans cette religion, dans la religion de l'islam, il a été légiféré pour nous et il nous est ordonné de ne vénérer et de n'adorer qu'un seul Dieu qui est le vrai Dieu, qui n'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci nous montre donc le mérite de cette religion. Comparé aux autres religions, où les gens se soumettent à des créatures, où les gens se soumettent à des hommes, où les gens se soumettent à des pierres, à des arbres, à des animaux, et ainsi de suite. Dans la religion de l'islam, tu ne te soumets à personne si ce n'est à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers. Car Allah subhanahu wa ta'ala est le seul en droit d'être adoré. Quant aux fausses divinités qui sont adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les statues, les hommes, les pierres, les saints et autres, alors celles-ci ne disposent de rien dans cet univers, ne peuvent ni donner la vie, ni donner la mort, ni apporter un quelconque profit ou un quelconque dommage. Et ce même pour elles-mêmes. Elles ne sont même pas utiles pour elles-mêmes, alors comment pourraient-elles être utiles pour autre qu'elles? Donc vous voyez donc que dans cette religion, l'homme a été honoré. Car on l'a orienté vers la soumission au Créateur de l'univers qui est le seul en droit d'être adoré. Et c'est à cela qu'a appelé notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme les prophètes avant lui, il a appelé l'humanité à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et à délaisser l'adoration de tout autre que lui. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné un troisième verset, qui est le verset 28 de Sourate Al-Hadid, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflayni min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et croyez en son messager pour qu'il vous accorde de part de sa miséricorde et qu'il vous assigne une lumière à l'aide de laquelle vous marcherez, et qu'il vous pardonne, car Allah est pardonneur et très miséricordieux. Donc on a vu que le premier verset, il s'adressait aux croyants. Le deuxième verset, il s'adressait aux polythéistes et aux idolâtres. Et le troisième verset, ici, il s'adresse aux gens du livre, parmi les juifs et les chrétiens. Allah subhanahu wa ta'ala leur ordonne dans ce verset de le craindre et de croire en son messager, c'est-à-dire de croire en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puis il leur promet, s'ils croient en son messager, une énorme récompense. Il dit qu'il leur accordera de part de sa miséricorde, c'est-à-dire qu'il les récompensera pour avoir cru aux prophètes et aux messagers qui ont précédé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il leur donnera la récompense de leur foi en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le croyant qui faisait partie des gens du livre, lorsqu'il entre en islam, il reçoit une double récompense. La récompense de sa foi au livre précédent et la récompense de sa foi au dernier livre qui est venu l'abroger. On voit donc à travers cela un des mérites de l'islam dont les adeptes ont une récompense immense. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset qu'il leur assignera une lumière, c'est-à-dire la lumière de la clairvoyance, à l'aide de laquelle ils marcheront, c'est-à-dire à l'aide de laquelle ils distingueront entre le faux et la vérité, entre l'égarement et la bonne voie. Et ce, car cette religion, la religion de l'islam, c'est une lumière. Le Coran est une lumière, La sunna est une lumière et l'islam de manière générale est une lumière. Allah subhanahu wa ta'ala a dit au verset 174 de Surat An-Nisa: Ya ayyuhan nas, qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina. Ô vous les gens, certes une preuve évidente vous est venue de la part de votre Seigneur et nous avons fait descendre vers vous une lumière éclatante. Une lumière éclatante. Donc celui qui marche en suivant la voie du Coran et de la Sunna, celui-là est éclairé. Une lumière lui est assignée, la lumière de la bonne voie et de la guider. Quant à celui qui marche en opposition au Coran et à la Sunna, alors celui-ci marche dans l'obscurité et l'égarement, wal'iyadu billah. Quant à l'islam, c'est la religion qui fait sortir la personne de l'obscurité de la mécréance à la lumière de la foi, de l'obscurité du polythéisme à la lumière du tawhid, du monothéisme. Et le suivi de la sunna, il permet à la personne de sortir de l'obscurité des innovations à la lumière de la sunna et de la conformité aux œuvres du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la foi au messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est une cause pour obtenir une réelle lumière par laquelle tu avanceras et tu chemineras et qui te permettra de distinguer entre le faux et la vérité. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, toujours à s'adressant aux gens du livre et en leur promettant que s'ils croient en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonnera. Wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Et il vous pardonnera car Allah est pardonneur et très miséricordieux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala encourage dans ce verset les gens du livre à croire en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce messager qui est venu appeler à ce à quoi ont appelé les messagers avant lui, qui est devoué à culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et à renier l'adoration de tout autre que lui. Malgré cela, nombre de gens du livre ont mécru au messager et se sont opposés à son message. Alors qu'il est venu avec comme message de base le même message que les prophètes auxquels il s'affilie. Et il n'y a pas de doute que ceci est une chose surprenante. Donc ce verset, il nous prouve le mérite de l'islam, premièrement car, pour être récompensé et pour être agréé d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est impératif pour les gens du livre de croire en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et d'entrer en islam. Deuxièmement, il nous montre le mérite de l'islam car celui qui entre en islam, il profitera de ces nombreux avantages qui sont mentionnés dans ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala leur accordera de part de sa miséricorde, leur assignera une lumière à l'aide de laquelle ils marcheront et il leur pardonnera leurs péchés. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné un hadith et il a dit « On trouve dans le hadith authentique, c'est-à-dire ici le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. » Et l'auteur a pour habitude dans ses ouvrages de dire cela, de dire « On trouve dans le hadith authentique. » Et il vise par cela ou un hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallah ta'ala, ou alors un hadith rapporté par l'un d'entre eux. Donc ce hadith, en l'occurrence, il est rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. D'après Ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Votre exemple est celui des gens des deux livres, c'est-à-dire la Torah et l'Évangile, est semblable à celui d'un homme qui a employé des ouvriers et a dit « Qui travaille pour moi à partir du matin jusqu'à la mi-journée pour un qirat ?» Donc le qirat, c'est une mesure qui a été évaluée par un douzième de dirham. Donc cet homme qui aurait dit qu'il travaille pour moi à partir du matin jusqu'à la mi-journée pour un qirat. Les juifs ont alors travaillé. Il dit ensuite, qui travaille pour moi de la mi-journée jusqu'à la prière de l'asr, jusqu'à la prière de l'après-midi. Pour un qirat, les chrétiens ont alors travaillé. Il dit ensuite, qui travaille pour moi de la prière de l'asr, de l'après-midi, jusqu'au coucher du soleil pour deux qirat. Donc on voit que le salaire est ici plus grand. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite, vous êtes cela. C'est-à-dire vous les musulmans, vous êtes cela. Vous êtes à l'exemple de ceux qui travaillent de la prière de l'après-midi jusqu'au coucher du soleil. Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam, les juifs et les chrétiens furent alors pris de colère et dirent, qu'avons-nous à travailler davantage pour un moindre salaire? En effet, ils ont travaillé une plus longue durée. Les premiers ont travaillé du matin jusqu'à la mi-journée, les seconds de la mi-journée jusqu'à la prière de l'après-midi. Et ils n'ont reçu chacun qu'un qirat. Alors que les derniers ont travaillé seulement de la prière de l'après-midi jusqu'au coucher du soleil, ils ont reçu deux qirats. Il répondit alors, est-ce que je vous ai réduit votre droit? C'est-à-dire, est-ce que je vous ai donné moins que ce qui vous a été promis? Votre droit, vous l'avez obtenu. Il a proposé de travailler du matin jusqu'à la mi-journée pour un qirat. Ils ont accepté, ils ont travaillé. Il a proposé ensuite de travailler de la mi-journée jusqu'à la prière de l'asr pour un qirat. Ils ont accepté, ils ont obtenu leur dû. Donc ils dirent que non, qu'ils n'ont pas été lésés, que leur droit n'a pas été réduit. Il dit alors, ceci est ma grâce, je la donne à qui je veux. Donc ce hadith, il nous démontre très clairement le mérite de la religion de l'islam et le mérite de ses adeptes. En effet, les gens de l'islam obtiendront une récompense immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une récompense plus immense que les adeptes des religions précédentes. Comme on le voit très clairement à travers cet exemple qui a été donné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à la dernière phrase du hadith, ceci est ma grâce, je la donne à qui je veux. Elle comprend de nombreux bénéfices. Et parmi ces bénéfices, il y a le fait que personne ne peut restreindre la grâce qu'Allah subhanahu wa ta'ala décide d'accorder à un de ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala donne de sa grâce à qui il veut. Et il ne laisse personne parmi ses serviteurs. Il ne réduit le droit de personne. Car Allah subhanahu wa ta'ala est juste et équitable. Il rétribue chacun en fonction de ses œuvres. Et il se peut qu'il décuple la récompense de certaines personnes. Et le fait qu'il décuple la récompense, ceci est une grâce de sa part, subhanahu wa ta'ala. On trouve au verset 40 de Sourate An-Nisa, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit « Inna Allah la yadlimu mithqala dharrah, wa in taku hasanatan yudha'ifha, wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Certes, Allah ne laisse personne, fût-ce du poids d'une fourmi. S'il est une bonne action, il la décuple et accorde une grande récompense de sa part. » Telle est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est donc pas permis de faire objection au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait fait grâce à cette communauté d'une plus grande récompense. Car Allah subhanahu wa ta'ala est juste et plus savant de qui mérite sa grâce parmi ses serviteurs. Et il rétribue chacun en fonction de ses œuvres sans ne léser personne. Donc lorsqu'il accorde la rétribution pour une œuvre, ceci est son équité subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'il décuple cette récompense, alors ceci est sa grâce, subhanahu wa ta'ala, qu'il accorde à qui il veut. Quoi qu'il en soit, ce hadith, il nous démontre très clairement le mérite de l'islam et le mérite des gens de l'islam dont la récompense est décuplée. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit, et on trouve dans un autre hadith authentique, qui lui est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala, d'après Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a égaré du vendredi ceux qui nous ont précédés. Les juifs ont eu le samedi, les chrétiens le dimanche, puis Allah nous a fait venir et nous a guidés au jour du vendredi. De la même manière, ils nous suivront au jour de la résurrection. Nous sommes les derniers des gens de ce bas monde et les premiers au jour de la résurrection. Donc ce hadith est un hadith qui nous démontre aussi très clairement le mérite de l'islam et le mérite des gens de l'islam. Les musulmans seront les premiers au jour de la résurrection, malgré qu'ils sont les adeptes de la dernière religion qui a été révélée aux gens sur terre. Et ceci est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les gens de l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clarifié cela en donnant l'exemple du jour du vendredi, Yawm al-Jumu'ah. Allah subhanahu wa ta'ala a donné à toutes les communautés un jour de la semaine durant lequel ils se libèrent pour l'adoration. Les juifs ont choisi le samedi. Les chrétiens ont choisi le dimanche. Quant à cette communauté, la communauté de l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala les a guidés au jour du vendredi. Car le jour du vendredi est le meilleur des jours. C'est en ce jour qu'Allah subhanahu wa ta'ala a complété la création. C'est en ce jour que Adam alayhi salam fut créé. Et c'est en ce jour également qu'il fut sorti du paradis. Et c'est en ce jour qu'aura lieu la résurrection. Le jour du vendredi est donc un jour immense qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour cette communauté. Et les juifs et les chrétiens envient grandement les musulmans en raison de cela. Ceci fait partie des choses qu'ils envient le plus aux musulmans. Car Allah subhanahu wa ta'ala a favorisé les musulmans en les guidant au jour du vendredi alors qu'il a égaré de celui-ci les juifs et les chrétiens. Ceci nous montre donc le mérite de cette communauté, le mérite de l'islam et des gens de l'islam, qui sont les derniers de ce bas monde, mais qui seront les premiers au jour de la résurrection et qui devanceront l'ensemble des communautés. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit, et on y trouve aussi, c'est-à-dire dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, en mention, c'est-à-dire un hadith que l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, a mentionné dans son authentique, sans citer une chaîne de transmission complète. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la religion la plus aimée d'Allah est al-Hanifiyya al-Samha. Al-Hanifiyya, qui est la religion d'Ibrahim alayhi salam, al-Samha qui signifie la religion simple, la religion facile, exempte de toute gêne. Donc cette religion, c'est la religion la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre. En effet, il dit dans son noble livre, verset 123 de Sourate An-Nahl, ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. Puis nous t'avons révélé de suivre la religion d'Ibrahim qui était Hanif. Al-Hanif, c'est-à-dire qu'il était orienté vers Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il se détournait de tout autre qu'Allah. Telle est la religion d'Ibrahim alayhi salam, qui est Al-Hanifiyya, la religion du pur monothéisme. Et Ibrahim alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé au verset 67 de Sourate Ali Imran qu'il n'était ni juif ni chrétien, mais qu'il était hanif et musulman. Il dit subhanahu wa ta'ala, ma kana Ibrahim yahoudiya, wala nasraniya, walakin kana hanifan muslima, wa ma kana min al-mushrikin. Ibrahim n'était ni juif ni chrétien, mais il était hanif et musulman, et il n'était pas du nombre des polythéistes. Ceci nous montre donc que l'islam est la religion la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Ibrahim était sur la religion d'Al-Hanifiyya, et Ibrahim alayhi salam était musulman. Donc, l'islam est la religion la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci nous démontre son mérite. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné une parole d'Ubay ibn Ka'b, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit: suivez la bonne voie et la sunnah. Suivez la bonne voie, la bonne religion. Suivez l'islam et la sunnah du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Car il n'y a aucun serviteur sur la bonne voie et sur la sunna qui évoque le tout miséricordieux jusqu'à ce que ses yeux pleurent par crainte d'Allah qui se fera toucher par le feu. Allahu Akbar. Il nous informe que celui qui est sur la bonne voie, qui est sur l'islam et qui suit la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui pleure par crainte d'Allah en évoquant Allah, alors ceci sera une cause pour qu'il ne soit pas touché par le feu. C'est-à-dire que il sera interdit au feu. Ensuite, il dit, et il n'y a aucun serviteur sur la bonne voie et la sunna qui évoque le tout miséricordieux jusqu'à ce que sa peau frémisse par crainte d'Allah sans qu'il ne soit à l'exemple d'un arbre aux feuilles sèches qui se fait toucher par le vent, faisant ainsi tomber ses feuilles. Ses péchés à lui tombent donc de la même manière que les feuilles de cet arbre. Ceci nous montre donc le mérite de cette religion, qui est une cause du pardon de tes péchés. Médite sur cet exemple qui est donné dans ce récit. Ces péchés tombent donc de la même manière que les feuilles de cet arbre. Imagine cet arbre, aux feuilles toutes sèches, et qui, au moindre coup de vent, voit ses feuilles tomber et se détacher de ses branches. De la même manière, celui dont la peau frémit par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il est sur la bonne voie, sur la bonne religion et sur la sunnah, il se voit pardonner ses péchés. Ceci nous montre donc le mérite de cette religion, le mérite de l'islam et le mérite du suivi de la sunna. Puis il termine en disant, agir avec modération sur la bonne voie et la sunna est certes meilleur que de faire des efforts en opposition ou en contradiction à la bonne voie et à la sunna. Donc ce récit de Ubay ibn Ka'b, radiyallahu ta'ala anhu, il nous montre le mérite de l'islam. Car il nous dit que si l'homme est sur la bonne voie, sur la voie de l'islam, et qu'il suit la sunna confirmée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors celui-ci, s'il pleure par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, il sera interdit au feu. Le feu ne le touchera pas. Et ce, car il a craint Allah subhanahu wa ta'ala en étant sur la bonne voie et en étant sur la sunnah. Quant à celui qui prétend craindre Allah alors qu'il n'est pas sur la sunnah, mais qui est sur l'innovation, ou qui n'est pas sur la bonne voie, alors celui-ci, ses pleurs, sa sérénité, sa crainte, sa peur, ne lui seront d'aucun profit. Combien sont ceux parmi les mécréants, comme les chrétiens qui pleurent et qui font preuve d'humilité en faisant des actes cultuels, mais qui ne sont pas sur la bonne voie, ils ne sont pas sur l'islam. Au contraire, ils sont dans l'égarement. Ceux-là, leurs pleurs et leur humilité, elles ne leur sont d'aucun profit. De la même manière, nombre de personnes parmi ceux affiliés à cette religion, parmi les adorateurs de tombes, parmi les gens de l'égarement et autres, il se peut qu'ils pleurent et qu'ils fassent preuve d'humilité dans leurs actes d'adoration, dans leurs actes cultuels, mais qu'ils ne soient pas récompensés pour ces pleurs et pour cette humilité. Et que ceci ne leur soit d'aucun profit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car ils ne sont pas sur la sunnah. Donc ce qui est pris en considération, ce ne sont pas les pleurs de l'homme. Ce n'est pas le fait qu'il fasse preuve d'humilité. Mais ce qui est pris en considération, c'est ce sur quoi il est. Est-ce qu'il est sur la bonne voie? Et est-ce qu'il est sur la sunnah? C'est pour ça que nombre de nos savants ont dit: ne te laisse pas berner par les pleurs et l'humilité d'un innovateur. Certaines personnes aujourd'hui se laissent tromper par cela. Ils disent: oui, mais lui, il fait beaucoup d'adoration. Oui, mais lui, il est toujours en train de lire le Coran. Oui, mais lui, il jeûne beaucoup, il prie la nuit, et ainsi de suite. Ils se laissent leurrer par cela. Et ils ne tiennent pas compte du fait que cette personne qui accomplit ces actes ne suit pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais s'oppose à celle-ci et suit des voies en contradiction avec la sunna parmi les voies des gens de l'innovation. Donc pour que ses œuvres lui soient profitables réellement, il est nécessaire qu'il soit sur la bonne voie et qu'il soit sur la sunna. Il ne suffit pas de pleurer, il ne suffit pas de faire preuve d'humilité. Mais la chose essentielle, c'est que tu suives la bonne voie, que tu suives la religion de l'islam et que tu suives la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et médite sur cette parole d'Ubay ibn Ka'b, radiyallahu ta'ala anhu, qui dit à la fin de ce récit: agir avec modération sur la bonne voie et la sunna est certes meilleur que de faire des efforts en opposition, en contradiction à la bonne voie et à la sunna. Médite sur cette parole immense. Le fait d'agir avec modération devrait peu, d'accomplir ses obligations, sans faire de grands efforts, mais en étant sur la bonne voie et sur la sunna. Cela est meilleur, plus profitable, plus méritoire que de grands efforts faits en opposition, en contradiction à la sunna, à l'exemple des efforts des gens de l'innovation. Vous voyez, parfois les gens de l'innovation, ils font de grands efforts dans leurs innovations. Ils passent parfois des journées entières à prononcer des formules de rappel innovées. Est-ce que cela leur est profitable? La réponse est non, cela ne leur est pas profitable, car ceci est rejeté. Même s'ils font des efforts nuit et jour, à partir du moment où ils ne sont pas sur la bonne voie, qu'ils ne sont pas sur la sunna, ceci ne leur est d'aucun profit. Car ce qui est pris en considération, ce n'est pas le grand nombre d'œuvres, ce ne sont pas les pleurs, ce n'est pas le fait que tu fasses preuve d'humilité. Mais ce qui est pris en considération, comme on a dit, c'est la voie qu'a empruntée l'homme. Est-ce qu'il est sur la bonne voie? Est-ce qu'il suit la sunna? Est-ce qu'il suit le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam? Si telle est sa situation, alors il sera sur un bien immense, même si ses œuvres sont minimes. Car il est sur la voie du salut, la voie qui mène au paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala et à son agrément. Il sera récompensé pour l'ensemble de ses œuvres, qu'il accomplit sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala et en conformité à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il sera récompensé pour ses pleurs. Il sera récompensé pour sa crainte. Il sera récompensé pour son humilité. Et tout ceci sera la cause pour qu'il soit sauvé du feu de l'enfer. Contrairement à celui qui est sur l'innovation et l'égarement, aussi nombreuses soient ses œuvres, à partir du moment où elles ne sont pas conformes à la sunna, alors celles-ci seront rejetées. Donc ce hadith, ou plutôt ce récit, il nous démontre le mérite de l'islam, car les gens de l'islam qui sont sur la bonne voie et sur la sunna, ils sont interdits au feu de l'enfer. Le feu ne les touchera pas et leurs péchés leur sont pardonnés et sont expiés. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné un dernier récit qui est de Abu Darda, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit: combien est meilleur le sommeil des clairvoyants et leur iftar, c'est-à-dire le fait qu'ils ne jeûnent pas. auxquels n'équivalent pas les veillées et les jours de jeûne des gens insensés. Certes, l'équivalent du poids d'une petite fourmi de bonté, accompagnée de piété et de certitude, est plus immense, plus méritoire et plus lourd dans la balance que des adorations semblables aux montagnes accomplies par des gens leurrés. Donc cette parole est également une parole immense qui confirme la parole de Ubay ibn Ka'b, radiyallahu ta'ala anhu. Celui qui a une croyance authentique, celui qui est sur la bonne voie, qui suit la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, même lorsqu'il dort, il est sur le bien. Pourquoi? Car il est sur la bonne voie. Il est sur la sunna, sa croyance est une croyance correcte, une croyance authentique. Alors que celui qui a une croyance corrompue, même s'il passe ses nuits à prier, il n'atteindra pas le rang du partisan de la sunna qui est sur une croyance authentique. Les adeptes de la sunna, lorsqu'ils dorment la nuit et lors des jours où ils ne jeûnent pas, ils sont sur le bien en raison de leur bonne croyance. Quant aux adeptes de l'innovation, lorsqu'ils veillent la nuit en prière et lorsqu'ils jeûnent le jour, malgré que ces actes sont des actes de piété, ils sont sur le mal. Pourquoi? Car ils ne suivent pas la bonne voie, ils sont dans l'égarement. Ils sont sur une voie innovée parmi les voies des gens de l'innovation. C'est pour cela qu'il nous dit que combien est meilleur le sommeil des clairvoyants et leur iftar, auxquels n'équivalent pas les veillées et les jours de jeûne des gens insensés. Certes, l'équivalent du poids d'une petite fourmi de bonté, accompagnée de piété et de certitude, est plus immense, plus méritoire et plus lourd dans la balance que des adorations semblables aux montagnes accomplies par des gens leurrés. Des gens qui se sont laissés leurrer et emprunter une autre voie que celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce récit, il nous démontre le mérite de l'islam, car celui qui œuvre peu mais qui est sur l'islam et sur la sunna, ses récompenses seront décuplées. Même si ses œuvres sont minimes, elles seront plus grandes en termes de récompenses que les nombreuses œuvres de ceux qui ne sont pas sur la bonne voie et qui ne sont pas sur la sunna. On a donc terminé ce chapitre et on verra dans le cours de demain le chapitre sur l'obligation d'entrer dans la religion de l'islam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم